qu'elle revienne. Pour ne plus avoir à souffrir, j'ai cru qu'il valait mieux partir. Sans elle, j'ai trop de peine, je veux qu'elle revienne. Qu'elle m'a dit, oh, mais c'est elle que j'aime. De tous les garçons qui l'enlaçaient dans la nuit, je veux qu'elle revienne. Je suis prêt à recommencer, puisqu'on dit qu'elle a des regrets. Puisque c'est elle que j'aime, je veux qu'elle revienne. Je veux qu'elle